Sanga bongo, zalaka na ngai pene, na esi kalamu, na zui etumba bolingo, ngai butu na lalate, oya koka nisa yo, ime. Amezi, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ngai Mangala Lopez, alléluia. Ma pensée chérie, et les kangawayo, na koma nangai, moi ne ke mo ibutue, na ma kanise si la terre. A mezi nangai, na kombo ya ma diesel, et zaleli na yo, et tamwisanga bongo, zalaka nangai pene, na esi kalamu, na zu etumba bolingo, na ibutu na la la terre. Oya ko kanisa yo, ime. Yeah. Ayo, amesie, pato mama mulema, se mwana mwana yo.